Trop souvent, on remarque chez de nombreux conducteurs, qu'ils soient débutants ou confirmés, lors de changements de direction, une propension à freiner d'abord, puis à tourner en allumant le clignotant. D'une manière générale, avant de changer de direction, on contrôle les rétroviseurs, puis on informe de nos intentions à l'aide des clignotants. Enfin, on ralentit, on freine et on tourne.